بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé d'être parmi les vivants durant ce mois de Ramadan. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de ses bienfaits. Ayyuha al-ikhwatu fillah, ha hiya ayyamu ramadan tatasarram, wa ma'aha a'maruna tatasarram, wa ajaluna tanqus, wa ad-dunya mazra'a, wa al-akhiratu hasadun wa thamra. Faman zara'a al-khayra hasada al-falah. Qala subhanahu wa ta'ala, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Prions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les journées, les jours de Ramadan passent très vite. Et avec ces jours, c'est notre vie qui passe vite. Et ceci nous rapproche du but final. Ce bas monde est un champ de culture. L'au-delà, c'est la maison de la récolte et des fruits. Celui qui aura semé le bien dans ce bas monde va récolter la réussite. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et faites le bien afin que vous réussissiez. Et faites le bien afin que vous réussissiez. من عمل الصالحات فقد مهد الطريق إلى الجنة. من عمل الصالحات فقد مهد الطريق إلى جنة ربي سبحانه وتعالى، وهو القائل ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Donc celui qui œuvre et qui fait les bonnes œuvres comme il est demandé, celui-là a pris le chemin vers le paradis de son souverain subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et ceux qui auront accompli des œuvres pieuses préparent ainsi leur demeure au paradis. والناس في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Et les gens dans ce bas monde, c'est comme ce qu'a dit le messager alayhi salam dans le hadith rapporté par l'imam muslim, tous les gens partent le matin. Il y a certains qui vendent leurs âmes et qui la sauvent, et d'autres qui envoient leurs âmes à la perte. والعاقل في هذه الدنيا من كان حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Le doué de raison, celui qui a une raison saine, dans ce bas monde, cette situation doit être, comme il a dit le messager عليه الصلاة والسلام, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Regarde l'image qu'il te donne, un étranger, quand il arrive dans un pays, va s'y installer. Abadan, le voyageur, il faut qu'il revienne. Mais là, notre retour, il est où? Il est dans le delà. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي رحمه الله ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها. الذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها، إنما هو يستظل. فالغريب لا يعمر دار الغربة، والذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها. إلى دي عليه الصلاة والسلام le concernant Il a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce bas monde? Je suis dans ce bas monde que comme un voyageur qui s'est mis à l'ombre d'un arbre. Et après, il est parti, il a délaissé l'ombre de l'arbre. Donc, l'étranger ne va pas construire et s'installer dans le pays où il est étranger, ou dans la terre où il se trouve étranger. Et celui qui se met à l'ombre d'un arbre ne va pas y construire sa maison non plus. فمن ذا الذي يبني على موج بحر دارا تلكم الدار فلا تتخذوها قرارا. Et comme il a dit le poète, qui va construire une maison sur des vagues? Qui va construire une maison sur des vagues? Hein? Il a dit, ça, c'est l'exemple de ce bas monde. Ne la prenez pas comme demeure éternelle. وربنا يقول يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. معنى هذا الكلام إذا أصبحت فلا تترك عمل الصباح إلى المساء لأنك لا تدري أتصل إلى المساء أم لا تصل، وإذا أمسيت لا تترك عمل المساء إلى الصباح فلا تدري أنك تقوم من النوم. Et dans le verset cité ici dans sourate Ghafir, il est dit: Ô mon peuple, la vue de ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère, alors que le delà est la demeure de l'établissement éternel. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gré les nobles compagnons, il dit: quand tu vis jusqu'au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu vis jusqu'au matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta santé pour ta maladie. Et prends de ta vie pour ta mort. Cela veut dire quoi? Quand tu vivons le matin, délaisse pas les travaux et les œuvres que tu dois accomplir le matin pour le soir, parce que tu sais pas si tu vas y arriver. Et si tu y vivons le soir, ne délaisse pas les œuvres du soir pour le lendemain matin, parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller ou pas. Et prends de ta santé, tant que tu as la santé, prends pour ta maladie. Fais accomplir les œuvres, hein? Et prends pour de ta vie, pour ta mort. Prends de ce bas monde ce qui va te servir dans ta tombe et ce qui va te servir dans le delà. Fa ibn Adam ma huwa illa majmou'atu ayyam. Kull yawm yamur. Ha? Yusiluhu wa yuqarribuhu min ajalihi. Wa ibn Adam ala janahi safarin. سيحط قريبا ركبه الموت تنتظره في كل وقت فبماذا تريد يا عبد الله لقاء ربك سبحانه وتعالى. Donc l'être humain ce n'est qu'un somme, un ensemble de jours, hein? Chaque jour qui passe il diminue de la vie de l'être humain, et donc il est dans un voyage qui ne s'arrête pas. Il va s'arrêter quand? Une fois que l'ange de la mort vient prendre son âme. Hein? Et donc, chacun de nous doit voir avec quoi on veut rencontrer Allah. Fa fi sahih Muslim, an Khalid ibn Umair al-Adawi, wa huwa min kibar al-Tabi'in, qal, khatabana khutbatan Utba ibn Ghazwan, wa hadha kana min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu. وهو من الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنه وارضاه، وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي أخبرت أنها مقطعة وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني بخير أعمالكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. كم عمقها؟ الله أعلم. ولو مضى يوم وهو يهوي لكانت كبيرة، فكيف وهو يهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا؟ والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما، أي سعة الباب الواحد، وللجنة كم باب؟ 8 أبواب. مسيرة الباب الواحد مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام، وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه الإمام مسلم. Dans l'authentique de Muslim, Khalid ibn Umair, l'Adawi, qui était un grand tabi'i, rahimahullah, il a dit, Utba ibn Ghazwan nous a fait une khutba. Et Utba ibn Ghazwan était l'un des nobles compagnons, radhiyallahu alayhim, qui a fait la hijra vers l'Abyssinie, et puis vers Médine aussi, hein. Et quand il a fait la khutba, il était l'émir de l'Koufa, le représentant du calife, ou comme vous dites dans le langage actuel, le préfet, hein, sur la province de l'Koufa. Il représentait le calife Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda. Donc dans sa khutba, après avoir fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceci dit, ce bas monde annonce son départ et son anéantissement, et que ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Et il ne reste de ce bas monde que le peu d'eau qui reste dans le récipient que le propriétaire essaie de sortir avec difficulté. Le peu d'eau qui reste dans une outre, ou quelque part, et qu'il fait sortir avec difficulté, goutte après goutte. Regarde cette image qui donne le temps qui reste à son époque. Et il a dit, et vous allez vous déplacer, partir de ce bas monde, vers une maison qui est éternelle. Déplacez-vous avec le bien que vous avez, c'est-à-dire déplacez-vous avec les bonnes œuvres que vous pouvez faire. Car il nous a été annoncé qu'une pierre est jetée dans l'enfer et cette pierre ne cesse de descendre 70 ans. 70 ans, il n'arrive pas au fond de l'enfer. 70 ans en train de tomber et de descendre vers, et il n'arrive pas au fond. Combien il est là, hein, la profondeur de l'enfer. Ici, Il passait qu'une journée à descendre, c'est énorme déjà. Hein? Comment il en est alors qu'il est en train de descendre 70 ans, il est dans sa descente, il n'arrive pas au fond. Et il a dit, par Allah, il va être rempli. Ce paradis dont la pierre n'arrive pas, en la faisant jeter, n'arrive qu'à... Hein? Au bout de 70 ans, il n'est pas arrivé. Ben, il a dit, par Allah, il va être rempli. Il dit, vous vous étonnez? Et il a dit, hein? Il nous a été annoncé. Il nous a été annoncé que entre chaque porte du paradis, il y a la distance de marche de 40 ans. Entre chaque porte, entre les deux portes du paradis, dans l'ouverture de la porte, il y a 40 ans de marche. Ça, c'est la largeur de la porte, de chaque porte. Et le paradis, il a combien de portes? Il en a 8. Et pour chaque porte, il y a 40 ans de marche, hein, pour arriver d'un bout à l'autre de la porte. Et arrivera un jour où il sera plein, où les gens se bousculeront devant, où il ne sera pas assez large pour les gens. Les gens vont se bousculer. Il y aura trop de monde. Hein? Et il a dit, radiyallahu anhu arda, je me suis vu, c'est-à-dire j'ai vécu, avec, et j'étais le 7e de 7 avec le messager, alayhi salatu wassalam, et nous avions rien à manger, à part les feuilles d'arbres, au point qu'ils ont, hein, durci nos lèvres. Hein? Et il dit, et j'ai trouvé, j'ai ramassé un bout de tissu, et je l'ai divisé en deux, je donnais un morceau à Saad ibn Malik, et il l'a pris comme panne, au niveau de, hein, au niveau de c'est-à-dire du nombril jusqu'au genou. Et l'autre moitié, je l'ai utilisé de la même façon. Et il a dit, et aujourd'hui, chacun parmi nous, il est émir d'un pays. Il est émir, hein, d'une province. Parmi les provinces qui étaient gouvernées par le calife. Et il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah, que je sois grand en moi, que je me sens grand, ou que je sois imbu de moi, et que je sois petit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Médite cette leçon de ce grand imam, de ce grand compagnon, radiyallahu anhu wa arda. Ta'ammal an, law saqata insan, min babi ta'ira. من 10,000 متر كم سيكون مدة أصوله إلى الأرض دقيقتين ثلاث أكثر أربع ها؟ تأمل 70 عام والحجر ينزل ولم يصل إلى عمق إلى قعر جهنم فإن الله سبحانه وتعالى ميديت مانتنو لا سيتياسيون. Imagine que quelqu'un tombe de la porte d'un avion qui est à 10 000 mètres. En combien de temps ça va être son arrivée sur Terre? 5 minutes, 10 minutes. Mais imagine, hein, ça coûte 10 000 mètres. Hein, une pierre qui est jetée en enfer et au bout de 70 ans, il n'est pas arrivé au fond de l'enfer. ولك أن تتأمل كذلك كم يقطع الراكب بالجمل في اليوم 40 كيلو على الأكثر وهل تعرف باب عرضه 40 عاما ما نعرفه نحن الأبواب إلا متر أو نصف متر أو متر ونصف ها او بيوت فقط لا تزيد عن 40 مترا ومسيرة 40 عاما هذا عرض باب من أبواب الجنة. فإن الله سبحانه وتعالى ميديت لبا 70 ans, il n'est pas arrivé, et pourtant, cet enfer sera rempli un jour. Et de l'autre côté, médite, combien un chamois dromadaire parcourt dans une journée durant son voyage? Au maximum, dans une marche normale, il fait 40 kilomètres. Et tu as à méditer la largeur d'une des portes du paradis. 40 ans de marche. 40 ans de marche. Et nous, dans notre vie, on connaît que des portes d'un mètre, un mètre et demi, gars, les portails d'un garage, 3 mètres, 5 mètres, les appartements à 40 mètres carrés, à 60 mètres carrés. Mais imagine-toi les portes du paradis, 40 années de marche. Et un jour, il y aura du monde qui se bouscule devant chaque porte. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui vont se bousculer devant les portes du paradis. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بمواقف الآخرة. فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه والحديث أخرجه كذلك الضياء المقدسي رحمه الله في المختارة. وهذا كله الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقف الآخرة. Et notre messager عليه الصلاة والسلام rappelait, exhortait ses compagnons avec les positions qu'il va y avoir dans l'au-delà et les situations de l'au-delà. Il a été confirmé, le hadith a été confirmé chez Tirmidhi avec une chaîne de transmission Hassan, comme il est rapporté aussi par Diya al-Maqdisi dans le Mukhtara, le hadith d'Ubay ibn Ka'b. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Le messager d'Allah, il a dit, alayhi radiallahu anhu, le messager d'Allah, quand arrive le tiers de la nuit, il se lève et il dit aux gens, invoquez Allah, le premier souffle dans la trompe est là. C'est-à-dire le premier souffle de la trompe où tout le monde sera ébranlé et mourra. Rajifa. Le premier souffle dans la trompe où tout le monde va mourir. Suivi du deuxième souffle, Radifa, celle qui va faire ressusciter tout le monde. Et il dit, la mort est arrivée avec tout ce qu'il contient. La mort est arrivée avec tout ce qu'il contient. Et ça, ce sont les situations de l'au-delà. يقول يوسف بن أصبات رحمه الله قال لي سفيان الثوري رحمه الله ليلة ناولني المطهرة قال فناولته المطهرة ثم وضع يده على خدي الأيمن واتأكى عليها ثم ذهبت فنمت فلما أصبحت وخرجت إليه فإذا هو على حاله فقلت رحمك الله لم تنم قال مذ فرقتني وأنا أتفكر في الآخرة. وكان رحمه الله إذا ذكر أمر الآخرة يبول الدم. تأمل كيف كانوا إذا تذكروا مواقف الآخرة كيف كانت تؤثر فيهم. كان هذا سفيان الثوري يبول الدم إذا تذكر مواقف الآخرة. ونحن نسمع كلام ربنا عن الآخرة وعن العذاب وقلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبها ونلينها. إيه يوسف بن أصباط رحمه الله، هدي سفيان بن سفيان الثوري أنجور مدي donne-moi le récipient de l'eau، c'est-à-dire donne-moi le récipient plein avec l'eau pour l'eau d'eau. Il a dit, je lui ai ramené le récipient. Hein? Et il l'a pris, il l'a mis devant lui, et il a mis sa main sur ça. Il a mis sa joue droite sur sa main droite et s'est appuyé dessus. Youssouf ibn Asbat a dit, je suis parti dormir. Et quand je me suis réveillé, que je suis sorti, j'ai trouvé dans la même position dans laquelle je l'ai laissé et le récipient de l'eau d'eau devant lui. Je lui dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa sainte miséricorde, t'as pas dormi. Il lui a dit, depuis que tu t'es séparé de moi, j'étais en train de méditer sur la situation de l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, quand il pense et qu'il médite sur la situation de l'au-delà, il urine du sang. Il urine du sang. Tellement ça le travaille. Hein? Regarde comment ils étaient, comment l'effet de se rappeler les événements de l'au-delà, comment ça les atteint. Et qu'on se compare à eux, et qu'on voit combien on entend de versets du châtiment, la description de l'enfer, et ainsi de suite. Une cœur sans comble de la roque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les radoucisse. ولذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أيها الناس اذكروا الله، ينادي في الناس بعد أن يمضي ثلث الليل، اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. قال سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. C'est pour ça que le messager d'Allah Azza wa Jalla dit, se lève au tiers de la nuit, il dit, ô gens, invoquez Allah, car Rajifa est arrivé, suivi de Radifa. Et dans le verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, mentionnez le jour où au premier souffle, c'est-à-dire Rajifa, au premier souffle dans la trompe, tout sera ébranlé et mourra. Suivi de Radifa, suivi du second souffle, au son duquel tout ressuscitera. En ce jour, les cœurs des mécréants seront remplis d'effroi. Fa'ada ikhwat al-islam, yahtaj minna ila tafakkur, wa tadhakkur, wa atibar. جاء الموت بما فيه من السكرات وبما في أهوال القيامة لكل امرئ هذا إذا مات. وكرره ربنا في الآية الرادفة الراجفة لوقوعه وللتأكيد عليه، فالموت يتذكر على الدوام حتى يحت الإنسان نفسه بأن يدرك الصالحات في مآله وتنشط بطاعة ربه نفسه. ولذلك الإكثار من ذكر الموت من السنة، الإكثار من ذكر هذه من اللذات من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية أكثروا ذكر هادم اللذات. أن الله سبحانه وتعالى ceci a besoin de notre part de réfléchir à notre situation et à notre fin et vers notre but et qu'on se rappelle et qu'on prenne les leçons. Al-Maut, regarde dans le verset il est cité. Le maot arrive, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte comme agonie. Et l'au-delà va arriver avec tous les événements et les événements difficiles et les angoisses qu'il contient. Et ceci pour tout un chacun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset l'a répété deux fois. Il a dit Rajifa et Radifa. Parce qu'il va arriver sans aucun doute. Et pour le confirmer, car la mort, on doit s'en rappeler tous les jours, pour qu'on incite notre âme à faire les bonnes œuvres et à accomplir ce que nous devons accomplir. Et pour donner de l'énergie et de la vivacité à notre âme à courir vers l'obéissance de son souverain, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il fait partie de la sunna, le fait de se rappeler souvent la mort, le destructeur des plaisirs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, rappelez-vous beaucoup la mort, rappelez-vous beaucoup le destructeur des plaisirs. Il veut dire par ça quoi? La mort. فالموت لا مفر منه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ونحن في شهر يعتق فيه الله سبحانه وتعالى رقاب العباد من النار فلنعبن بما سيكون لنا سببا عند الله سبحانه وتعالى لكي نكون من العتقاء من النار لكي نكون من الفائزين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك et dans la traduction approximative du verset cité ici, vu que la mort est quelque chose laquelle personne ne peut se sauver. Donc le verset nous dit cela, dans la traduction approximative du sens du verset. Toute âme goûtera à la mort, et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque sera alors écarté de l'enfer et introduit au paradis aura réussi. Et nous sommes dans le mois où Allah subhanahu wa ta'ala sauve beaucoup de gens de l'enfer, qu'on œuvre comme il se doit, et qu'on utilise les moyens et les motifs et les causes qui vont nous prévaloir d'être sauvés du feu de l'enfer. فَهَا نَحْنُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامِ فِي لَيْلَةِ الْعِشْرِينِ مِنْ رَمَضَانِ كَيْفَ مَرَّ رَمَضَانِ بِسُرْعَ وَهَذَا مِصْدَاقُ لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فكأن رمضان بدأ البارحة ونحن اليوم في ليلة العشرين منه فمن كان منا محسنا فليزد وليحمد الله على أن وفقه للإحسان ومن كان مفرطا غافلا فليتوب إلى الله عز وجل وليتدارك ما بقي فالعمر قصير والأجل قريب. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous voilà arrivés à la 20e nuit du mois de Ramadan. Méditez comment le temps a passé très vite. Et ça, ceci est conforme à la parole du véridique qui n'a dit que la vérité, qui est notre messager alayhi salatu salam, qui a dit: l'heure n'aura lieu qu'une fois que le temps s'approche. Et méditez, comme c'est, Ramadan a commencé hier et nous voilà à la 20e nuit de ce mois. Nous voilà rentrés dans la dernière décane du mois. Donc celui qui était bienfaisant parmi nous et qui a bien profité des 20 jours qui viennent de passer, qu'il continue. et qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala l'avoir aidé à accomplir le bien. Et celui qui est inattentif, qui a été inattentif, qui a été négligent, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit se repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour rattraper le temps qui est passé. Car la vie, elle est courte. Et le but et la fin, elle est proche. فكما يعلم الجميع آخر رمضان أفضل من أوله آخر رمضان أفضل من أوله فكثير من الناس يبدأ في أول الشهر بجد واجتهاد ويكسر في آخره والعشر الأواخر هي زبدة الشهر وفيها الليلة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن ومن حكم الله عز وجل أنها رفعت وغير معلومة Et comme tout le monde le sait, la dernière décade du mois de Ramadan est mieux que son début. Beaucoup de gens commencent fortement le début du mois de Ramadan. Font beaucoup d'efforts au début et arrivent vers cette dernière décade, la crème du mois, ils deviennent paresseux. Alors que ces dernières décades sont la crème et le meilleur du mois. Et dans cette dernière décade, il y a la nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a élue pour descendre le Coran. Et parmi les sagesses qu'il y a dans la législation d'Allah et dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a fait que cette nuit soit inconnue. Pour que les gens doublent d'efforts durant cette dernière décade. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله والحديث متفق عليه. Le messager عليه الصلاة والسلام, quand arrive la dernière décade de Ramadan, il serre la ceinture, retronce les manches, éveille ses nuits et il réveille ceux de sa famille pour profiter de ces bons moments. Et le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. وهذا كما سمعت أخ الإسلام خلافا وهذا خلاف لما يفعله كثير من الناس في زماننا. فتراهم يتكاسلون في هذه العشر الأواخر وكأن الشهر قد انقضى وانتهى وفعلا منهم من يصرح بذلك ويقول لك ذهب شهر رمضان ونحن في العشر الأواخر ذهب شهر رمضان ولا يدرون ولا يتفطنون أن فضيلة الشهر وزبدته في هذه العشر الأواخر. Et comme tu l'as entendu dans le hadith du messager, beaucoup de gens sont, dans leur situation, sont en divergence avec cette parole du messager. Ils font le contraire. À notre époque, tu les vois devenir paresseux durant cette dernière décade du mois de Ramadan. Comme si le mois est terminé. Certains parmi nous l'annoncent même. Le mois de Ramadan est parti. Nous, l'islam, le mois de Ramadan n'est pas parti. Le meilleur du mois de Ramadan vient d'arriver. Le meilleur du mois va commencer maintenant. Et vient d'arriver avec cette dernière décade. فكان عليه الصلاة والسلام يشد مئزره ويحيي ليله بخلاف ما عليه الكثير اليوم لأن هذه العشر زبدة الشهر والذين لا يفهمون حقيقة الصيام يعكفون على المفسدين للنظر لما حرم الله وعلى شاشة الهواتف ويقضون وقتهم ويقتلونه حول ما يسمونه بليالي رمضان. Et notre messager عليه الصلاة والسلام double d'efforts et veillez les dernières nuits du mois de Ramadan. Et ceci est contraire à ce que font beaucoup de gens de nos jours. Car ces dernières décennies du mois de Ramadan, c'est la crème de ce noble mois. Et ceux qui ne comprennent pas la réalité du jeûne, passent leur nuit devant les télés à ziouter le haram, avec ce qu'ils appellent les soirées de Ramadan ou les feuilletons religieux, et j'en passe. D'autres sur les écrans de leur téléphone, de leur tablette, de leur ordi. Et ils tuent le temps. Ils disent, on agrémente notre temps. Comment tu l'agrémentes avec le haram? Tu passes ton temps dans le haram et tu laisses passer les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ces nuits du mois de Ramadan. وَالنِّسَا يُبَالِغْنَا فِي صُنْعِ الْكَعْكِ فِي هَذِي اللَّيَالِي اسْتِعْدَادًا لِلْعِيدِ وَيَسْهَرْنَ عَلَيْهِ وَهَذَا يُفَوِّتْ عَلَيْهِنَّ فَوَائِدْ زُبْدَةَ الشَّهْرِ مع أنه لا يحرم عمل الكعك وغيره فرحة بالعيد لكن لا يعطى أكثر الوقت وتحرم النساء من زبدة الشهر Et les femmes, durant ces dernières décennies, exagèrent dans la préparation des différentes sortes de gâteaux durant ces nuits du mois de Ramadan pour se préparer pour l'Eid. Et ils veillent à faire cela. Et cela au point de négliger et de perdre les mérites de ces nobles, de cette noble décennie du mois de Ramadan. Alors que ce n'est pas interdit, loin de là, ce n'est pas interdit de préparer les gâteaux, etc. pour la fête et pour la joie de la fête. Abadan. Mais il ne faut pas que ça prenne le temps. Il ne faut pas qu'il y ait une exagération dans la préparation au point de perdre le temps et que la femme ne profite pas du mérite de cette décane. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr al awakhir ما لا يجتهد في غيرها رواه الإمام مسلم Notre messager عليه الصلاة والسلام comme il est rapporté par l'imam muslim faisait de grands efforts durant la dernière décennie du mois de Ramadan plus que les autres jours فهذه زبدة الشهر وفيها أفضل لياليه بل أفضل ليلة في العام ولا تعارض بين هذا وبين أفضلية العشر الأول من ذي الحجة وأفضلها في ذي الحجة يوم النحر اليوم العاشر ففضيلة هذه العشر في ذي الحجة في أيامها وفضيلة عشر رمضان الأواخر في لياليها وبهذا تجتمع لك الأدلة والنصوص وتنبأ أخ الإسلام في أواخر رمضان ليلة القدر Et ça, c'est la crème et le meilleur du mois. La crème et le meilleur du mois, elle est dans la dernière décennie, dans les nuits de la dernière décennie du mois de Ramadan. Il y a dans cette dernière décennie la meilleure des nuits dans cette vie, qui est la nuit du destin. Et ceci, il n'y a aucune contradiction entre les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijja et les mérites des dernières nuits du mois de Ramadan. Les jours de Dhul Hijja, leurs mérites concernent leur journée. Et le meilleur jour parmi eux, celui qui a le plus de mérites, le jour du sacrifice. Mais les mérites des nuits de Ramadan concernent les nuits. Là-bas, ce sont les jours. Il a assez les nuits. Et ainsi, les textes et les preuves se réunissent. فَتَنَبَّاخَ الْإِسْلَامِ فِي آخِرِ أَوَاخِرِ رَمَضَانِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَلَعَلَّ الْبَعْضِ يَتَسَاءَلِ إِذَا اخْتَلَفَتِ الرُّؤْيَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَأَيُّ بَلَدٍ أَحَقُّ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ يقول أهل العلم لَعَلَّ هذا من الأسباب التي من أجلها لم يعين الله هذه الليلة. Peut se poser la question, quand l'apparition du croissant lunaire du mois de Ramadan sont différents d'une région à une autre, ou d'un continent à un autre, laquelle des nuits du destin qu'on peut prendre en considération? Certains nombres de sciences disent, peut-être que ça, c'est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas désigné laquelle est la nuit du destin. Wa fi hadha as-sadad يقول العلامة العتيمين رحمه الله تعالى كلاما معناه ومغزاه لا إشكال في اختلاف ليلة القدر من بلد إلى آخر فكلنا يعلم أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة ومعلوم أن الثلث الأخير يختلف من قطر إلى قطر فلا إشكال في ذلك فكل أهل بلد يكون في حقهم الثلث الأخير من ليلهم وكذلك في ليلة القدر. Et dans ce sens-là, un résumé des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi concernant ce point, il a dit rahmatullah alayhi, il n'y a aucune divergence concernant la nuit du destin. Hein? Qu'elle soit différente d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Il a dit tous on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Hein? Descend vers le ciel de ce bas monde. De chaque tiers de la nuit, il descend. Subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est connu chez tout le monde, c'est que le tiers de la nuit est différent d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Hein? Donc, il n'y a aucun problème, même concernant la nuit du destin. La même chose. Fahiyya. بلد تصوم قبل أخرى فهذا لا إشكال لا إشكال فيه فيجتهد أهل كل بلد في الليالي الوتر في حقهم فالعبرة ببداية شهرهم Et donc, nous voyons des pays qui jeûnent avant d'autres pays et des pays qui jeûnent après d'autres pays qui ont un jour de différence entre eux. Hein? Et il n'y a aucun doute là-dessus. Que les habitants de chaque pays fassent les efforts durant les dernières nuits du mois de Ramadan et durant surtout les nuits impaires qui les concernent dans leur pays avec l'apparition de leur lune. Hein? Parce qu'il faut prendre en considération, c'est le début du mois dans chaque pays. Le début du mois de Ramadan, quand est-ce qu'il a débuté dans chaque pays? أما دعوى بعض الناس أن ليلة القدر تكون لها بداية ونهاية في حق جميع سكان الأرض فهذا ليس بصحيح لأن الليل بنفسه يختلف من مكان إلى آخر فبعض البلدان تكون في الليل في حين أن بعضها الآخر يكون في النهار وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان وكل من يعرف شيئا من الفلك والجغرافيا يدرك هذا. Et donc, quant au fait de prétendre que tous les gens de la terre doivent avoir la même nuit du destin, ceci est très loin. Hein? Ceci n'est pas juste. La nuit elle-même est différente d'un pays à un autre et d'un continent à un autre. Dans certains pays, il y a la nuit. Dans d'autres, c'est le jour. Hein? Et ceci n'a pas besoin d'éclaircissement. Tout un chacun qui a un peu de connaissance de la géographie, etc., ceci est très clair pour lui. وعلى يقول رحمه الله وعلى كل حال هنا الأمر لا إشكال فيه فأهل كل بلد يجتهدون في الليالي الوتر في حقهم ومن أراد أن يخرج من الإشكال ويريح نفسه كما يقال فليجتهد في العشر الأواخر من رمضان كلها. Et donc, la fin du résumé des paroles du Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah, dans tous les cas, c'est un sujet dans lequel il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de confusion à avoir. Les gens dans chaque pays font les efforts pour les nuits impaires. Hein, qu'ils ont Dieu dans leur pays. Et celui qui veut sortir de la confusion, et qui veut avoir son âme quiète, ben qu'il fasse des efforts durant toute la dernière décennie du mois de Ramadan. Toute la dernière décennie. Hein? فهذه المسألة مسألة اجتهادية ولا تضر ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر وابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أردت ليلة القدر أضمن لك إن قمت السنة كاملة أصبتها فلما سمع بعض الصحابة كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال رحم الله ابن مسعود فهي في الأواخر من رمضان وأقرب من ذلك وطبعا عبد الله بن مسعود يعرف ذلك لكن يريد بكلامه الترغيب في دأب الصالحين على مدار السنة ها et donc ça c'est un sujet dans lequel il y a la place à l'effort d'interprétation et c'est pas quelque chose qui va déranger quoi que ce soit le jeûne et les veillées de ceux qui veillent. Car notre messager, alayhi salatu wassalam, faisait beaucoup d'efforts durant la dernière décennie du mois de Ramadan. Hein? Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, a dit une parole qu'il faut méditer. Si tu veux avoir la garantie que tu as eue la nuit du destin, alors accomplis les prières nocturnes toute l'année. Alors, accomplis les prières nocturnes toute l'année. Quand un noble compagnon a entendu la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde Abdullah ibn Mas'ud à la nuit des destins, il est dans la fin du mois de Ramadan, dans la dernière décennie du mois de Ramadan. Et, bien sûr, Abdullah ibn Mas'ud sait ça très bien. Il le connaît très bien, il le sait. Mais il voulait, avec sa parole, inciter les gens à la voie des vertueux tout le long de l'année. La voie des vertueux, c'est quoi? C'est les prières nocturnes, la nuit. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman liyu'lima as-sahaba bi laylati al-qadr fatalaha rajulan min al-muslimin. فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وفي رواية السبع والتسع والخمس رواه البخاري إن أدخل من الصجع عليه الصلاة والسلام un jour il est sorti alors qu'il était dans la tente qu'il lui mettait dans la mosquée pour la tikaf, pour la retraite spirituelle. Et il est sorti de là pour annoncer au noble compagnon la nuit du destin. Il y avait deux personnes qui se querellaient entre eux, deux nobles compagnons. Et il a dit, je suis sorti pour vous annoncer la nuit du destin. Mais tel et tel se querellaient entre eux, donc il a été enlevé. Et Allah lui a fait oublier. Hein? Et il a dit, peut-être que c'est un bien pour vous. Hein? Recherchez-la dans la neuvième, dans la septième, dans la cinquième, et dans une autre version, dans la septième, dans la neuvième, et dans la cinquième. Le hadith chez le Bukhari. Wallahu ta'ala ala wa alam, fal laylatu allati indana shaf'a, takounu fi ba'di al-buldan witr. والعكس فنجتهد كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait où il est cette nuit et quand il a lieu et donc la nuit qui va être pour nous une nuit paire il est pour certains une nuit impaire et donc nous devons faire des efforts comme a fait le messager alayhi salatu wassalam durant toute la dernière décennie du mois de Ramadan. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر صد مئزره وهذا كناية عن الاجتهاد كما يفعل الزراع كما يفعل المزارع الفلاح إذا أراد أن يشتغل يشتغل بشدة واجتهاد قيل عنه شد مئزره، وقيل عنها كذلك شد مئزره اعتزل نساءه، وكلا المعنيين وارد لأن المعتكف لا يحل له الجماع فرسولنا عليه الصلاة أفضل الصلاة والتسليم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة. Donc notre messager عليه الصلاة والسلام quand on arrive la dernière décane du mois de Ramadan, il se serrait la ceinture, شد المئزر. Et ceci veut dire qu'il fait beaucoup d'efforts. Comme fait le cultivateur, on dit du cultivateur que quand il commence à faire des efforts sur ta terre, qu'il a shadd al-mi'zar, il a serré la ceinture. Et ce terme aussi, serrer la ceinture, disait aussi qu'il n'approche pas ses femmes. Parce que comme les dernières dicanes, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était souvent en retrait spirituel, donc il n'avait pas de rapport avec ses femmes. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله. وهنا لفتة يجب أن نقف عندها، فهذا فعل من كان يعرف رمضان وقدر رمضان وحق رمضان، وفعل من كان يعرف رمضان كعبادة وكطاعة لله. والناس اليوم إلا من رحم ربك والناس اليوم إلا من رحم ربك يجتهدون في أول رمضان ويفطرون في آخره. Et comme il dit la situation, notre messager عليه الصلاة والسلام quand arrive les 10 dernières, la dernière décane du mois de Ramadan, il serre la ceinture, il veille ses nuits, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Nous devons nous arrêter devant l'acte du messager alayhi salatu wassalam, car il était la personne qui connaissait au mieux le but des adorations et au mieux le but de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et au mieux l'obéissance comment il doit être. Et il connaissait la réelle valeur du mois de Ramadan. Donc ces actes, ce sont des actes de celui qui connaît réellement la valeur et la réalité du jeûne et la réalité de toutes les autres adorations. Et de nos jours, beaucoup de gens, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, font beaucoup d'efforts durant les premiers jours du mois de Ramadan. Quand arrive la fin, khlas, il n'y a plus personne. Fashahru Ramadan كان في حياة المبعوث رحمة للعالمين شهر جهاد واجتهاد، لا شهر الراحة والنوم والسهر على ما لا يرضي الله عز وجل. وانظر منا من يبحث اليوم عن الإجازة في رمضان للراحة والنوم والسهر على ما يرضي الله ولعب الورق والسهر في المقاهي أسماع ما لا يرضي الله عز وجل من أجواق موسيقى وغيرها. Le mois de Ramadan, dans la vie de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour le monde, était un mois d'effort, un mois de combat sur le sentier de Allah عز وجل. N'était pas un mois de repos. Était un mois de veiller dans l'adoration. N'était pas un mois de sommeil. Et regarde autour de toi, tu les entends. Ils cherchent les congés durant le mois de Ramadan pour dormir, pour être en repos, pour veiller sur des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, pour jouer aux cartes toute la nuit, pour veiller comme il se passe dans les pays du Maghreb et autres, dans les cafés, devant des orchestres de musique, et ainsi de suite. كالله سبحانه وتعالى نبخزاه. فانظر وعلينا أن نتأمل في رمضانات مرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فانظر في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى وتم فيها انتصار التوحيد على الكفر، توحيد على الإيمان على الشرك والإيمان على الكفر. Et tu as à méditer les mois de Ramadan dans la vie du prophète عليه الصلاة والسلام, comment ils étaient. Et durant la vie de ses nobles compagnons, رضو الله عليهم. Ramadan, de la deuxième année de l'Hégire, durant cette deuxième année, il y a eu la bataille de Badr, Badr al-Kubra, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher la foi sur le polythéisme et le monothéisme sur la mécréance. La foi sur la mécréance et le monothéisme sur le polythéisme. Il les a fait triompher, subhanahu wa ta'ala. وشهد رمضان من السنة الثالثة تعبئة الرسول في المدينة جيشا لصد عدوان المشركين الذين كانوا يستعدون للانتقام لقتلهم في غزوة بدر. Lors de la troisième année de l'Hégire, un an après la bataille de Badr, le mois de Ramadan de cette année, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam préparait l'armée pour faire face aux polythéistes qui se préparaient pour se venger de leurs morts qui sont morts lors de la bataille de Badr. Wa fi as-sanati as-sabi'ati min al-hijra shahida Ramadan sariyat Ghalib ibn Abdullah al-mu'allafah min 130 musliman لقتال بني عبد الله بن ثعلبة وكانوا قد أعلنوا عداءهم للمسلمين فانتصر غالب رضي الله عنه وغنم كثيرا من الخيرات ساقها إلى المدينة. Et donc, durant la septième année de l'Hégire, Ramadan, la septième année de l'Hégire, durant le mois de Ramadan de la septième année de l'Hégire, il y a eu la Sariya d'Abdullah ibn Ghalib ibn Abdullah. La Sariya, c'est une troupe d'armée que n'accompagne pas le prophète alayhi salam. Il met à sa tête un compagnon. Hada si Sariya. Donc, il y a eu cette Sariya qui se composait de 130 compagnons, de 130 soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, durant le mois de Ramadan, pour aller combattre la tribu de Bani Abdullah ibn Ta'laba, qui ont déclaré l'animosité aux musulmans. Ghalib ibn Ta'laba a vaincu cette tribu, et il est revenu avec beaucoup de biens et beaucoup de butins vers Médine. Wa fi Ramadan min as-sanati ath-thamina lil-hijra tamma fath Makkah وانتهى بفتحها عهد الوثنية بجزيرة العرب والحمد لله من قبل ومن بعد. Et lors de la huitième année de l'Hégire, il y a eu la conquête de la Mecque durant le mois de Ramadan. Et avec la conquête de la Mecque, il y a eu l'anéantissement du polythéisme dans la péninsule arabique. Et toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي رمضان من السنة التاسعة للهجرة كانت عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من غزوة تبوك المظفرة فدخل المدينة عليه الصلاة والسلام بكل تواضع. Et lors de la 9e année de l'Hégire, durant le mois de Ramadan de cette année, il y a eu le retour du messager عليه الصلاة والسلام de la bataille de Tabouk, où il a eu un grand triomphe, alayhi salatu wassalam. Et il est revenu à Médine, il est rentré à Médine humblement, alayhi salatu wassalam, malgré l'énorme triomphe qu'il y a eu. وفي رمضان من السنة التاسعة جاء وفد الطائف إلى المدينة يعلن إسلامه بعد حصار بعد أن حاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أشهر. هكذا كان رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وماذا عنا نحن إخوة الإسلام؟ ولذلك عزهم الله ونصرهم عندما نصروا دينه. وربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إيه lors de Ramadan de la 9e année, la tribu de Taif, une délégation de la tribu de Taif est venue faire l'allégeance au messager alayhi salam et déclarer sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'ils étaient assiégés par le messager alayhi salam pendant de longs mois. Ainsi était Ramadan dans la vie du messager alayhi salam et dans la vie de ses nobles compagnons d'Allah. Qu'est-ce qu'il en est de notre situation maintenant? Qui cherchons à imiter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter à tout moment et dans toutes les occasions. Et à faire comme ils font à tous les niveaux. Que ce soit concernant notre face, notre coiffure, notre façon de s'habiller. Au point où certains parmi nous sont tombés très bas. Voyez ces pantalons taille basse. Et maintenant, même avec les serwals, on a ce genre de truc chez nos frères. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et quand on sait l'origine de ces pantalons, quand on les met, on fait apparaître le short ou le slip intérieur, ben c'est trop grave d'où ça vient. Ça, c'est une façon de faire des prisonniers noirs américains. Ils s'habillaient ainsi pour dire aux autres, ben, je suis prêt à, si tu veux, avoir un rapport avec moi. Hein? Regarde, l'ayadan billah, l'imitation, où est-ce qu'il nous amène? À imiter qui? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les égarés de notre communauté. Donc ainsi était le messager alayhi salatu wasalam durant son mois de Ramadan, ainsi que ses nobles compagnons. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le triomphe. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les honneurs. C'est pour ça qu'on un peuple entend que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala va démarrer une armée contre lui. Ils ont peur. Ils ont la diarrhée mentale pendant un mois avant qu'il arrive. À la marche d'un mois, ils ont commencé à voir la trouille. On est de ça, nous, maintenant. Qui a peur, nous ou eux? Hein? Et tout ceci parce qu'ils ont fait triompher la religion d'Allah. Et si on ne fait pas triompher la religion d'Allah, on sera toujours au plus bas degré. Car il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, si vous faites triompher Allah, Allah vous fera triompher. Si vous faites triompher Allah, Allah vous fera triompher. Hein? Comment faire triompher Allah? Ça veut dire, si intansurullah yansurkum, ça veut dire faire triompher la religion d'Allah. Comme le veut Allah, comme le veut le messager alayhi salatu salam, comme l'ont fait triompher les nobles compagnons d'Allah alayhim. C'est le seul chemin de la gloire et de la suprématie et des honneurs. Et en dehors de ça, on n'y arrivera pas. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yaruddana ilayhi raddan jamila. Salut subhanahu wa ta'ala, nfaqihna wa iyaakum fi dini. Salut subhanahu wa ta'ala, أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى منهج الصحب الكرام وأن يرزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.